rends la justice pas au-delà. Sous ma robe magistrale, ce mélange absurde et raisonnable. Si j'osais la raison plutôt que l'opinion, discerner le violeur d'enfants du voleur d'orange, écarter la raison du plus fort de la raison. C'est vous qui le dites, je le jure. Je ne crains pas mes vieux démons, mais ne parle jamais contre le vent. Si j'osais la raison plutôt que l'opinion, violeur d'enfants, du voleur d'orange, écarter la raison du plus fort de la raison. Le paradoxe me désaltère, parfois des fausses routes, je veux sortir de la galère pour ne pas finir rameur ou tambour.